en peinture, la rhubarbe en confiture, les rimes qui sonnent pas. J'aime pas qu'on fasse pipi sur mon mur, j'aime pas que le chien aboie parce que passe la caravane. J'aime pas la pluie après le beau temps, j'aime pas l'odeur de l'argent et ses occlusions nasales. J'aime pas avoir les cheveux dans le vent, devoir serrer des mains moites et tes sourires pas pour moi. Fouiller ma poche, y'a pas ma langue qui serait planquée là. Une opinion bien tranchée, bah je vous en mettrai bien sans grammes. J'aime pas les maridés dans mon bain, les haleines du matin, les bons comptes qui font la mie. J'aime pas les résultats d'examen, les cailloux dans mes lentilles, les vertus font sourire. J'aime pas lorsqu'un baiser rate ma bouche parce qu'il vise ma joue. J'aime pas les jeunesses qui passent, j'aime pas les rimes qui courent aux sorties des cinémas. J'aime pas quand toi t'es loin. Y'a pas ma langue qui serait plantée là. Une opinion bien tranchée, bah je vous en mettrai bien 100 grammes. J'aime pas les vrais plastiques pas gonflés, mon régime allégé, les engueulades en voiture. J'aime pas ma cousine de grâce, j'aime pas quand toi tu m'aimes pas.